d'accord. Bye. Johnny va niquer ta grosse mère la pute, ok? Tu vas te faire enculer ta race. Voilà, je mets du gros son dans ta mère. Et tu vas faire fuck you mother man. Johnny, fuck you mother. Big back, I fuck you man. Fuck you. Sioux is fuck you wife. Fuck you man. Ah, Saul. Désolé vieux. Casse les couilles, la suite. Essaye de jouer de la musique un peu, au lieu de troller comme un porc, là. Espèce de son of bitch, là. Ma guitare, elle t'encule ta race. Zouk, il t'encule ta mère. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oh, elle fait chier, la suite. Ah, excuse-moi. Ah, le cul. Désolé à la communauté. Là, ils saoulent tout le monde, c'est des bouffons. Des gros bouffons qui sont derrière leur clavier, qui se la racontent sur scène, et le mec il baisse les yeux direct. So. Bye bye Johnny, fuck you. Thank you. Thank you. Pourquoi se mettre en on, mon pote?